521, activation, oral, imperative, first person plural. Listen and answer according to the example. You hear, 1. Nous allons inventer une histoire. You say, inventons une histoire. 2. Nous allons parler français. Parlons français. 3. Nous allons répéter ensemble. Répétons ensemble. 4. Nous allons continuer l'invention d'histoire. Continuons l'invention de l'histoire. 5. Nous allons écouter le professeur. Écoutons le professeur. 6. Nous allons aller au resto U. Allons au resto U. 7. Nous allons proposer une histoire. Proposons une histoire.